7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h. Le matin, c'est bien. Et c'est Francky. Arc-en-ciel. 7h, 9h. Francky, le matin, sur Arc-en-ciel. Radio Arc-en-ciel, bonjour et bon réveil. Il est 7h du matin. J'espère que vous allez bien sous le ciel grisonnant d'Orléans. On est là pour vous donner le sourire, le smile, comme on dit en anglais. Bon dia la familia! Avec le meilleur des souvenirs du Brésil, de Gaulle! Latino, on met là pour bien démarrer cette matinée. Il est 7h du mat. Salut à José qui est déjà. Salut José, salut Kevin, salut Estelle. Il y a déjà du monde. 96.2 FM. On met là. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você na Ilha do Sol. 7h07 du mat avec Nettine Hommila. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver, plein d'invités aujourd'hui, puis Stéphanie Bier, notre chroniqueuse qui sera là tout à l'heure. 7h-9h, il vous accompagne au boulot, c'est Francky. C'est Francky dans la radio jusqu'à 9h avec du soleil, plein de choses à vous dire aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas, on est partenaire de Tony Carrera qui sera au Zénith d'Orléans le 21 janvier, arc-en-ciel, partenaire de ce bel événement. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Bonjour, monsieur Ferreira, qu'elle a, ça me fait plaisir de le retrouver aussi. Du son latina, al homie, c'est de la keys. What would I do without your smile? Drawing me in and you kicking me out. My head's spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful night? I'm on your magical mystery ride. And I'm so busy, don't know what hit me. But I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Your perfect imperfections. And give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose and win, 'cause I give you all. Do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around for every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. Your perfect imperfections. And give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose and win, 'cause I give you all. Peut-être ce matin, ouais, tout le monde n'est pas encore en vacances. Eh bien, bon courage, vous êtes dans le camion, vous êtes à pied, tranquille, dans le tram, vous nous écoutez. La musique de Radio Arc-en-Ciel, plein de soleil et ça fait du bien de vous retrouver. 7h-9h, c'est l'équipe du matin. 7h-9h, il vous accompagne au boulot, c'est Francky. Francky dans la radio, et puis franchement, on est fiers, Orléans, bravo à la judoka orléanaise Sandrine Martinet, désignée porte-drapeau de la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo, cocorico. On essaiera d'avoir l'entraîneur tout à l'heure au téléphone, tiens, si on est bon, on verra. En tout cas, elle sera là, notre invitée, c'est notre chroniqueuse Stéphanie Bier dans les cieux de la radio. On aura aussi une invitée, Sandy, on va parler d'apprentissage, d'accompagnement d'enfants, de famille, d'enfants différents, d'émotions, de confiance en soi. Une belle émission qui s'annonce au programme. Et ça me fait plaisir d'être avec vous sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Monsieur Farrea, qui est là, qui nous écoute dans le camion aussi. Racine Mikama dans la chambre, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est du soleil caliente à Radio Arc-en-Ciel. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí. Mikama, c'est Niki, Niki Yam. Vous êtes peut-être sur la route du boulot, c'est ce que me dit Claire. Ça me fait plaisir de te retrouver à la radio, Francky. Quelle voix! Ah ouais, merci Claire. Allez, Danzane Kuduro, le tube de l'été, ça c'est sûr. 1 800 000 vues déjà. C'est la famille du collectif en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Bandia! Tu me dis que allez viens on va manger. Tu me dis que tu veux t'éclater, laisse ta liberté. Tu me dis que allez viens on va chanter. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Es una fiesta loca, danza latino, caliente cumbia, tu ritmo le lleva, es una fiesta loca. sino caliente como un sol. Y que viva la vida, es una fiesta loca. Danza latino, caliente como un sol. Ça, c'est l'un des tubes de cet été, je vous le garantis. Le collectif Métis, 1 800 000 vues. Danza Latino, la météo qui arrive. Stéphanie Bien, notre chroniqueuse, qui arrive aussi. Et les infos aussi tout à l'heure, avec des bonnes nouvelles, tiens, sur Orléans. Et un peu de douceur dans ce monde de brut. Après notre mode Covid, bah, c'est Isabella. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une très très bonne journée. Courage à vous si vous allez bosser. Bah ouais, tout le monde n'est pas en vacances. Hein. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. C'est Francky dans la radio. On vous aime. Salut Isabelle. Tiens, justement, qui va bosser ce matin. Voici Isabella. Jennifer qui est là, salut Véro, salut Amar, ça fait du monde. Et puis le meilleur des souvenirs en direct, et ouais, la radio, ça fait vraiment zizir. 7h22 du matin, 96 de FM, le meilleur des souvenirs. Rappelez-vous, l'été 96, la taille de ton amour, Jeanne Faustin. Oula, quel souvenir, ex-Zouk Machine qui s'est lancé en solo dans les années 90. Et bien voici le meilleur pour vous ce matin, 96 de FM, au réveil. La taille de ton amour, c'est sur votre radio couleur, en direct live. Ça nous rappelle de bons souvenirs, ça. Lex, Zouk Machine, Jane Faustin, La taille de ton amour. C'était l'été 96. Et quel tube, la météo. Eh ouais, pour aujourd'hui, la météo. Pour demain aussi, aujourd'hui, le ciel est assez couvert. Ce matin, malheureusement, les températures sont variables. Hein. 12 degrés au lever du jour jusqu'à 22 degrés. Un ciel mitigé, nuages, soleil. Normalement, quelques petites gouttes de pluie, mais très très légères. Et demain, eh bien, on prend les mêmes et on recommence avec des averses, malheureusement, en milieu de matinée. Les températures pour demain, 12 à 22 degrés également. Voilà, hein, les températures plutôt mitigées. Vendredi devrait faire beau, samedi ça va encore être mitigé en espérant que l'été arrive très très vite. En tout cas, on vous parle d'amour, de soleil ce matin, 7h26 en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Hi baby, I love you. Et Stéphanie Bié qui arrive à 8h avec Sandy. On est en live, 96.2 FM. De ton amour dans mes nuits. Au creux de tes bras, je n'ai besoin de rien. Comme dans un rêve où je me sens bien. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. I'm

Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, 7h36 minutes. Ça y est, vous êtes à fond dans la voiture, la salsa caliente, le meilleur des souvenirs. Gloria et Stéphane, oye mi canto. Je sens que le réveil ne va pas tarder à sonner dans quelques minutes. Vous êtes peut-être au café, encore à la maison. Eh bien, bon réveil. Et puis le soleil qui va se lever. Il réveille aussi. Ça y est, c'est l'heure d'aller bosser. Ben ouais, Love Me Generation. Le remix de Bob Sinclair, l'un des meilleurs DJ de la planète, et ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. 7h09, on est en direct. Some people get schooled, some people get outlawed, you know. But in front of the Almighty God, we're all the same, we're all God's children. And we are the parents, so we must be the fathers and mothers of the children that's growing up, so we have a brand new love generation. Love generation, come on. Y no lo sé. ce remix est déchire quand même. Hein. Jérusalem avec Bob Sinclair, Love Generation. On est bien sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes nombreux le matin à nous écouter. Merci de nous rejoindre. Ouais, c'est l'heure des pères internationales. Francky au réveil, nos invités qui arrivent. Notre chroniqueuse, bien sûr, qui est là. Dans quelques minutes, Stéphanie Bier, puis aussi une invitée, Sandy, qui sera dans les studios de la radio tout à l'heure, aux alentours de 8h, 8h10. Merci. 7h, 9h. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Vous allez au boulot. Peut-être que vous êtes en mode vacances. Vous emmenez, je sais pas si encore l'école, non? C'est bientôt fini. C'est fini l'école, hein? Non, c'est pas fini encore. Bon, bah, ça va alors. Alors, à l'école, les gamins, dépêchez-vous, là. Bah, mais c'est quoi ce bordel? Petit KRA, je vous rappelle que la radio arc-en-ciel est partenaire. Il sera au Zénith le 21 juin 2022. La radio est partenaire. On aura peut-être des places. Ah, VIP à vous faire gagner. Et justement, plein de douceur dans ce monde de brut. Ça fait du bien. Il arrive, le beau gosse au Portugal et Tony Carrera. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. En live. Oh oui. Mon Tony. Vas-y. Vas-y, à toi. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Como vou e como estou depois de te perder. Também sei, mesmo a viver, morri para ti. E o meu nome jamais voltaste a dizer. Eu bem sei que nunca mais falaste em nós, do que foi e do que fiz um dia por nós dois. Também sei que sou silêncio em tua voz, e só Deus sabe como eu estou. A saudade de ti tomou conta de mim, me mata. Radio Arc-en-Ciel, c'est vrai que c'est le gros coup de cœur du Portugal, ça, Tony Carreira. Je vous rappelle que la Radio Arc-en-Ciel sera partenaire, hein, c'est le 22 janvier au Zénith d'Orléans. Ouais, ouais, on aura peut-être des places VIP. Ouais, sympa pour les membres. Le Johnny National du Portugal, en tout cas, on l'adore sur la radio. Salut la famille des Porsches qui se baladent ce matin. Ouais, si vous voyez le Porsche rouge, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Puis je vous offrirai des places, tiens, des places de concert. Bah ouais, surveillez, surveillez. Deux mecs, un peu bronzés dans une Porsche décapotable. Eh bien, vous m'appelez 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Notre chroniqueuse qui arrive, Stéphanie Bier, dans quelques minutes. Et puis Sandy, qui est notre invité, le DJ allemand. Jawohl, he's been a DJ. Eh bien, il est de retour. Purple Disco avec Hypnotized, la belle chanteuse Sophie. Je peux vous dire, ça, c'est le dance floor. D'ailleurs, quelques discothèques qui vont ouvrir ce week-end en France. On leur souhaite plein de belles choses. Voici l'un des cartons de cet été. Forcément, vous allez faire la fête là-dessus ce week-end si vous sortez en club. Je vous rappelle que le pass est obligatoire. Ouais, nous on a décidé Hollande pas ouvrir. C'est comme ça. Voici le carton de cet été. L'un des tubes que vous adorez. On l'écoute au bord d'une Porsche rouge. Pourquoi pas? La capote ouverte. Hypnotized. This city is uptight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, don't know where to go, but I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, slipped into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out, somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, don't know where to go, but I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, slipped into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lies. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, reviens à la maison, ça veut dire, voilà, rentrez à la baraque, hein, si vous croisez cette fameuse Porsche rouge Orléans décapotable, vous m'appelez 02 38 43 48 00, je vous file des places de concert. Ah ouais, surveillez bien la ville d'Orléans, attention, on est nombreux à nous écouter le matin, ça me fait vraiment, vraiment zizir la météo qui arrive. Et puis, ratez pas notre chroniqueuse qui arrive dans quelques minutes, Stéphanie Bier, en direct sur la concert. Et puis notre invité aujourd'hui, Sandy, on va parler d'apprentissage, d'accompagnement, enfant, famille, enfant différent, émotion, oh oui, de l'émotion, confiance en soi. Ah, on en saura plus tout à l'heure en direct, la météo pour demain. Et pour aujourd'hui, eh bien, c'est pas mal. Écoutez. La météo. Et la météo pour aujourd'hui, les températures sont variables. Hein. 12 degrés au lever du jour, on va frôler les 22 degrés. C'est pas mal pour un été quand même. Hein. Un ciel assez couvert ce matin, comme vous pouvez le constater, si vous voulez, capote ouverte par exemple. Avec quelques nuages, quelques apparitions du soleil aussi. Pour un mois de juillet, c'est super. Voilà. Peut-être une piscine pour vous ce soir. Le sang sera dégagé dans la soirée, dans la nuit. Voilà, pourquoi pas. Un bain de minuit, c'est bien ça. Un bain de minuit. Demain, les températures, eh bien, ça descend un petit peu, 11-22 degrés, nuages et soleil et averse, mais normalement le soleil devrait revenir vendredi, samedi, alternance de pluie, dimanche du soleil, ça c'est la bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, du son Caliente, puis Souvenir, avec la petite sœur de Michael, Janet, Together Again. Je me crois à l'époque dans les boîtes de nuit là, quand on dansait à l'Exonite, vous vous rappelez? Ouais, j'étais dans les cages en slip peau de panthère. Bah ouais, le meilleur des souvenirs sur Radio Arc-en-Ciel, on vous l'a dit. Strong beliefs. My lover's got no fame. He's got his strong beliefs. My lover's got no money. He's got his strong beliefs. Want more and more people, just want more and more freedom and love. What he's looking for. Want more and more people, just want more and more freedom and love. What he's looking for. Free from desire. Mind and senses purify it. Free from desire. Yeah. tam, tam. Allez, franchement, si on n'a pas dansé là-dessus en boîte, personne n'a dansé de sa vie. Hein. Quel meilleur des souvenirs avec Gala, Free From Desire, fin des années 90. Le meilleur de la musique, c'est le matin. Bientôt 8h, Stéphanie Bier, notre chroniqueuse qui arrive. Il y aura Cindy qui est là dans les studios de la radio. Ça me fait plaisir de la retrouver. Et puis du son, ouais. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Ah ouais, et puis on vous emmène, guys from Tahiti. Allez. Je t'emmène loin de tout ça, loin de tes problèmes, où tu oublieras. Oh, combien même, si l'on s'aime, on ira. Ou bien je t'emmène loin de tout ça, loin de tes problèmes. Te voir pleurer, marre de te voir souffrir. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ. Je veux t'offrir. Ferme les yeux, fais-moi confiance. Cela ne pourra pas être pire. Je te promets jamais plus tu te sentiras isolé. Je serai toujours là à tes côtés pour te consoler. Tes problèmes je les ai décelés. Alors maintenant derrière toi laisse-les. Viens de tomber. Loin de tes problèmes, où tu oublieras. Oh, combien même, si l'on s'aime, on ira. Aucun ne t'emmène, loin de tout ça. Loin de tes problèmes, où tu oublieras. Oh, combien même, si l'on s'aime, on ira. Sèche tes pleurs. Je serai toujours là. Enfin le chasser. Et chacune de tes erreurs qui tombent pour franchir le pas. Tu devais tomber, je te relèverai. Je serai à chaque instant à tes côtés. Je saurai t'écouter, je ferai fuir tes doutes. Rien ne pourra jamais nous séparer. Viens de tomber, loin de tout ça. Loin de tes côtés. Je t'emmène loin de tout ça, loin de tes problèmes, où tu oublieras. Et combien même, si l'on s'aime, on ira. Où tu veux, moi je t'emmène où tu veux ce matin, 7h58 minutes, bientôt 8h, Stéphanie Bier qui vient de s'installer dans les studios de la radio, ça me fait plaisir de la retrouver ma petite Stéphanie, ça fait quelques mois, quelques années qu'on s'est pas vu, et puis le meilleur des souvenirs c'est le matin, non rien de rien, je ne regrette rien, c'est ce que nous dit Danakil, version reggae, yeah man, ouais yeah, tout le monde est installé dans la radio, from the one, yeah, c'est l'heure de fumer un petit peu, non je rigole, allez installez-vous, on est en direct, c'est Francky, voici Danakil. J'adore cette superbe reprise. Et puis dans moins de 10 minutes, Stéphanie qui est là. Puis notre invité aussi qui est là, Sandy. Sandy comme 110 kilos. Non, rien de rien. Ouais, elle est facile. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal, où ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, bien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Now hear this. So you can trust in me, and I can trust in you. And that's exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most, and it goes down with Tidia. But I have no regrets for loving you. Cause I see that you're interested in me, baby. And I always put my interest in you, yeah. Yeah, what I see is I never make you blue, never turn my back on you. Never, never do that in any way. I will tell you, say no regrets. I may say no, no regrets. Yeah, man, recognize. C'est un peu ça, hein? Yeah, man. On l'accueille. Ah, non, je ne regrette pas de l'avoir invitée ce matin. Elle est dans les studios de la radio, ça me fait plaisir de la retrouver. Stéphanie Bié, comment elle va? Elle va bien, bonjour, bonjour, bonjour. Oh, quelle voix, ça va Stéphanie? Non, mais c'est mon côté Macha Béranger, ouais. T'as rien compris. C'est la voix en Rocky. En fait, je suis faite pour travailler de nuit et répondre à vos questions. En vérité, c'est ah ouais, ça. Ah ouais, c'est Macha, la nuit, elle te rappelle? C'est ça, ouais. Tout à fait. Bon, le jingle, et puis on vous accueille les filles. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Et ouais, pour les fainéants qui vont travailler. Il y en a encore. Stéphanie Bié, le retour à la radio arc-en-ciel, ça me fait plaisir. Et moi donc. Ah ouais, c'est ce que tu me disais en arrivant. Je suis contente. Ouais, il y en a qui ont bouffé des casques ici. Il y a des casques, waouh. Les casques ont pris un petit coup de vieux depuis que je suis pas venu. Ouais, d'accord, qui les mangent, hein. Les animateurs. Je pense. Bah, il y a des animateurs, ils les bouffent, hein. Ils doivent les croquer. Il y a un mec hier, je suis parti du studio, il est en train de bouffer un casque. Ouais. Ouais, bah, c'est ça. Et puis elle sera notre invitée dans 15 minutes à peu près. C'est Sandy. Salut Sandy. Salut tout le monde. Ça va toute seule? Oui, ça va. Bien en forme? Ça va bien ce matin. Bon, bah Stéphanie, elle va nous parler de quoi dans quelques minutes? Surprise. Ah, bon, bah d'accord, comme ça on dit plus rien. Tu m'as dit en free, moi je suis en free. Eh ouais, c'est surprise. En free, c'est en free, c'est que des surprises aujourd'hui, juste après l'un des tubes planétaires de 1955. Eh ouais, on se rappelle, on a dansé là-dessus. Tu te rappelles de ça? Ah bah, qui en a pas bouffé de ce titre-là? Despacito, là. C'est... Caliente. Et Stéphanie Bié qui arrive juste derrière. Tu vois? Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. empieza. Oye, despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Enfin, il nous a donné mal à la tête ce titre pendant des années. Hein. Oh, ça va, là, il nous réchauffe le cœur aujourd'hui. Par contre, de le réécouter, ça fait du bien. Mais oui. Mais il y a 3-4 ans, putain, le truc, il me saoulait, quoi. Et c'est ça, quand on entend trop un titre, après, ça le dévalue, il faut attendre quelques années avant de le réécouter. Moi, ça me rappelle en 86, Les Démons de Minuit, là. Rappelle. Oh mon dieu, quelle horreur. Ouais, non, mais ouais. Là, pour le coup, saturation. Là, lui, il m'a saoulé, lui. Hein. Bon, Stéphanie Bié est notre invitée, et Stéphanie Bié est notre invitée chroniqueuse. J'ai un jingle pour toi, il est en préparation, Pascal me le fait. Normalement, je devrais l'avoir cette semaine. Formidable, je suis gâté, dis donc. Ah, je suis super gâté. J'ai mis des étoiles, j'ai tout mis, mais là. Formidable, je prends les étoiles, les cœurs, je prends tout. Ah, on prend tout, autre chose si tu veux, mais pour l'instant. Pour l'instant, on a ça. 7h, 9h, le matin c'est bien, et c'est Francky. Et c'est bien le matin, et c'est bien avec Stéphanie Bié qui viendra de temps en temps nous faire une petite chronique. Il y a Fabien Dumas qui revient aussi. Oui, j'ai vu, super. Il vient demain, Fabien. Super. Et demain, alors il y a Fabien qui vient en chroniqueur, et puis j'ai une avocate demain qui vient, Cécile Guérin. Ouais. Au cas où un jour je vais au tribunal, et ben voilà, je serai équipé. Parfait. Stéphanie Bié, heureux de te retrouver sur la console 96.2 FM avec la One Again Party, c'est-à-dire on vient comme ça, on vient comme on est. T'es animatrice radio depuis des années, une belle voix d'ailleurs qu'on adore. Merci. Et puis des chroniques en freestyle. Presque en freestyle. Presque. Ouais, je commence par une petite devinette pour vous ce matin. Ouais. Vite fait, bien fait. Allez, on t'écoute. Quel est le point commun entre Alain Souchon, Prince, Indochine, Philippe Catherine, Carlos ou encore Pierre Perret? Papayou. Ils sont tous morts. Non, ils ont tous chanté le sujet du jour. Lequel? Eh ben, aujourd'hui, c'est la journée internationale du baiser. On a de la chance. Donc, à l'instar de la Saint-Valentin, voilà, il existe cette journée fabuleuse qui est celle du bisou. Où on n'a pas besoin d'être amoureux parce qu'on peut, il y a tous les bisous des amis et tout. En plus, on en a beaucoup manqué pendant cette période. Tu m'étonnes. Hein, c'est vrai, on est tous en manque de bisous. Non plus, hein. Non, mais on est beaucoup en manque de bisous. Le bisou, c'est l'essentiel, c'est le départ. C'est là où tout commence. Ah ouais. Moi, je roule des pelles, hein. Ah bah tu fais du French kiss. C'est ça, ouais, mais avec le Covid, c'est compliqué. Hein. Tu sais qu'il y a plus de 30 baisers répertoriés. Donc moi je vais vous en détailler quelques-uns, pardon. Vas-y. Et je vous propose de peut-être essayer de les tester dans la journée ou dans la soirée. Il y en a qui m'ont beaucoup amusé. Moi je vais commencer avec vous les filles, hein, d'après. Hein. Oui, calme-toi. Malade. Il y a un baiser qui est très marrant qui s'appelle le Spider-Man Kiss. Alors à quoi il consiste? Eh ben en fait c'est simple, c'est un petit baiser à l'envers. C'est-à-dire que par exemple si madame est dans le canapé, eh bien monsieur se penche par-dessus elle et c'est baiser à l'envers. Ouais, Spider-Man. Après tu peux essayer de t'accrocher au plafond aussi, mais bon, là tu vas te mettre en danger, tu vas prendre des risques. Ouais. Faut faire gaffe aux cascades. C'est dangereux, toi. Hein. C'est ça, c'est moi. C'est pour ça que t'arrives avec une béquise, maintenant. C'est ça. J'ai abusé du Spider-Man Kiss. Ouais, tu fais ta vie, hein. C'est le soir, nous, on veut pas savoir ta vie sexuelle, hein. Y en a un autre cas assez sympa, c'est le Single Lips Kiss. Alors lui, c'est le baiser à lèvres unique. Mmh. C'est un baiser, en fait, un petit peu suggestif, quand même, et qui exprime à l'autre, que peut-être on voudrait le croquer carrément. Mais ça ressemble, tu sais, par exemple, au fait de sucer le lobe de l'oreille. Y en a, ils prennent juste une lèvre et ils sucotent juste la lèvre du bas ou la lèvre du haut. C'est vrai, tout ce que tu dis, ça nous manque parce qu'en mode Covid, on n'a plus le droit trop à ça. Bon, ça commence à revenir légèrement, léger. Si t'as fait ton petit test PCR qui va bien. Ouais, faut faire le test avant de faire tout ça. Faut faire les tests avant de faire tout ça. Le mec qui va tout des trucs dans le nez avant, on parlait d'alcool, on disait à boire avec modération. Maintenant, on dit les bisous, faites un test PCR, quoi, parce que sinon. Je vais faire la queue là-haut, je vais faire un truc dans le nez et je reviens, chérie. Il y en a un aussi qui est très mignon, qui s'appelle le Butterfly Kiss. Alors lui, c'est le baiser papillon. En fait, c'est quand on a le visage très très proche de son partenaire et qu'on peut presque le chatouiller avec nos cils. Ouais, faut pas qu'il pue de la gueule, hein. Non, mais pour tous les autres aussi, hein. c'est il vaut mieux avoir une bonne hygiène buccale quand même. Ouais, ça fait pas plaisir. Bouffer de l'ail avant. Ça fait plaisir la bonne. Après si on a tous les deux mangé de l'ail, ma foi, bon. On peut se rouler des pelles. Hein, voilà, pourquoi pas. Il y en a un aussi qui s'appelle Au pays des merveilles. Alors au pays des merveilles, exactement, tu l'as dit. Au pays des merveilles, en fait, c'est le baiser qui va partout. C'est, ah, c'est le baiser qu'on peut faire sur toutes les parties du corps et c'est celui qui permet de découvrir son partenaire. Où est la petite sensibilité, wow, la petite chose qui va titiller. Donc ben voilà, c'était. Il est pas mal celui-là. Oui, ouais, celui-là il est sympa. Bah c'est Au pays des merveilles, il s'appelle. Oh, tu vois, comme Alice, exactement comme Alice. Donc bah voilà quoi, faut pas oublier de faire vos tests PCR, c'est important. Et puis si vous avez envie d'en découvrir plein d'autres des baisers, eh bien c'est simple, il y a un site qui s'appelle osr.org. Et puis il y en a plein d'autres, mais celui-là il est vraiment bien fait. Ouais. Et on découvre tout plein d'autres baisers qui sont très amusants. Après il y a évidemment les petits classiques, les petits trucs qu'on se faisait en 86 à l'époque des périodes des booms. Midi, oh, ouais, et des booms. Et ben on était tous en mode smack à cette époque. Ouais, moi, petit bisou. Moi j'avais 15 ans, voilà, on se voyait dans la rue et tout. Et ben pour se dire bonjour, on se faisait un smack. Ouais. Après, il y a évidemment le petit bisou esquimau qui va bien, qui est plutôt celui des enfants avec le nez. C'est vrai. Il est très sympa, ce petit bisou esquimau. Il est plein de complicité. Le bisou sur le front, qui, sans l'air de rien, est un bisou qui est formidable. Sur les fesses aussi, les miens, celui-là. Non, sur le front, parce que c'est aussi celui de la maman. Souvent, il a quelque chose de très rassurant et de très protecteur. Ouais. Et c'est un bon baiser. Donc, en tout cas, ne vous en privez pas. Du coup, bah, moi, en programmation, j'ai prévu un petit truc, un petit kiss de Prince. Et ben voilà, pour le baiser. Voilà. Et ben voilà. La transition est terrible. Eh bien, on l'écoute avec plaisir. Merci pour tous ces baisers. Hein, je vous en envoie 10 000. C'est des baisers dans l'air, il s'appelle. C'est cela. Voilà. Oh, ça, c'est mignon. Des baisers dans l'air. Eh ben, tiens, écoute, celui-là. On en envoie plein aussi à toi. Hein. Time, no, I'm Oh non, vous étiez gros mot. Il a agacé là. En tout cas, c'est ça, c'est le baiser, écoutez. Hey. Kiss. Yeah. 7h, oh 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Il est l'heure de se réveiller. Monseigneur. Monseigneur, il est l'heure. Il en manque une. Super film, Louis de Funès. C'était quoi déjà la... La folie des grandeurs. Voilà, cherchez le titre, j'allais dire la grande vadrouille. Quand t'as besoin d'une référence. Bah je t'appelle, je t'appellerai tous les jours, je t'appellerai d'ailleurs toutes les nuits, je t'appelle à 3h du matin dès que j'ai une référence. Elle arrive dans nos studios, c'est Sandy, ça va Sandy, bien installée? Oui, très pas bien. Pas trop stressée, ça va, on te met à l'aise quand même. Va, hein. Elle est bien la petite Stéphanie, hein. La chronique de Stéphanie, le baiser. Vous bon, avez on plus l'habitude que moi. Hein. Ouais, mais on va la retrouver Stéphanie dans 30 minutes. Et puis toi, Sandy, t'arrives dans 3 minutes 30, ça te va? Après Lucenzo? Eh ben on y va. Voici Lucenzo, un peu de soleil, un peu de douceur au bord de la piscine. Oh, que calore! J'adore ce mec. Lucenzo, au Portugal, Forza au Portugal, bon dia la famille. Hey, ça je parle toutes les langues, espagnol, portugais, Deutschland aussi. Jawohl, du bist eine schöne Fräulein. 7h. C'est moins réchauffant. Le matin c'est bien et c'est Francky. C'est vrai, en allemand ça fait moi. Hein. Voilà, good morning, good morning Vietnam, comme l'animateur radio à l'époque, tu te rappelles? Ouais. Dans le film Good Morning. Quand il criait, ouais. Super, on l'accueille aujourd'hui, c'est Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour Francky. Bon, bonjour, ça va? Oui, très bien. 3615 Sandy, bonjour. T'as fini. À l'époque, c'était ça, un Minitel, tu te rappelles? Oh, bah, le Minitel. Ah, mon Dieu. Hey, ma mère, et ta blague sur 110 kilos, hein. Elle est déjà Elle ouais. est toute crevée. Ouais, ouais. C'est une blague qui est vraiment très crevée. C'était Elle est passée, hein. Faut renouveler. Ouais, c'était dans Camping, ça, je crois. Sérieux? Alors, mais non, c'est pas dans Camping, c'est juste un sketch de. Ah ouais? Comment là? Ouais, c'est un mec qui. Ah ouais, d'accord. Qui est pas très... Dubosc. Ouais, Dubosc. C'est ça, bah, c'est le même que Camping, exactement. Je parlais du Minitel parce qu'à l'époque, ma mère, quand on tapait sur le Minitel, elle mettait un cadenas dessus. Peut-être que vous l'avez connu, ça aussi. Il y en a qui ont eu des surprises au niveau des factures de Minitel à l'époque. Et à l'époque, tu recevais 3-4 000 balles, hein. Et ça gueulait, hein. En tout cas, on l'accueille aujourd'hui, Sandy, qui est notre invité, ça me fait plaisir. On va parler d'apprentissage, d'accompagnement, enfants, famille, enfants différents, d'émotions, confiance. François, si tu veux bien avec toi. Bah, Sandy, on démarre avec quoi, l'apprentissage, l'accompagnement d'enfants famille. Tu veux démarrer quoi, Sandy? Oui. Alors bah en fait pour expliquer ce que tu fais, ton voilà, métier. Ce que je fais. Voilà. Donc je suis coach scolaire spécialisée dans les apprentissages pour les enfants qui ont des difficultés, donc tous les 10 TDAH au potentiel. Alors TDAH, ça veut dire trouble de l'apprentissage avec ou sans hyperactivité. Ouais. HPI, c'est ce qu'on dit, au potentiel intellectuel. Et voilà, donc tous les 10, donc c'est les dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie, dysphasie, les voilà. Et les multidis du coup aussi, et parce qu'il oui, y en souvent. A. C'est ça. Ouais, parce souvent, ouais. Quand, il y en a plusieurs. Quand on en a deux ou voire trois. Ah oui, il y en a pas beaucoup en même temps, c'est ça. Hein, ouais. Et 10 veut dire difficulté, voilà. Et d'accord. Qui veut dire difficulté aujourd'hui conduit à un handicap. Ouais. Parce que la difficulté de ne pas réussir à faire quelque chose simplement finit par un handicap. Et du coup, on arrive au parcours du combattant pour les enfants et pour les parents parce qu'il y a énormément de bilans à faire. Ouais. Une fois que tous ces bilans sont réalisés, vous devez voir un neuropédiatre qui doit poser un diagnostic. Et tous ces bilans coûteux et indispensables pour un dossier MDPH, donc maison départementale pour les personnes handicapées, ne sont pas remboursés. Ah oui, carrément, donc ça coûte cher. Très cher. Et en plus, les délais sont excessivement longs entre praticiens. Et une fois que le diagnostic est posé, c'est la course au rendez-vous de prise en charge et la gymnastique de l'emploi du temps entre les enfants et les parents. Donc la bonne nouvelle, c'est que... Enfin une bonne nouvelle. Ouais, c'est que je suis là. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de trouver des solutions pour les enfants avant même qu'ils soient diagnostiqués. Ouais. Moi, je travaille... quand j'arrive, d'abord, je travaille à domicile. Mmh. Donc je m'adapte à l'emploi du temps de l'enfant et des parents. Je rentre dans son univers à lui, donc comme ça il est en confiance. Bah justement, il laisse son terrain. Ouais, rentrer dans son univers, est-ce que c'est facile aujourd'hui, l'enfant? Est-ce que tu t'as facilement lui aussi par rapport à lui? Ah oui, ou lui oui, à parce toi que moi j'ai ma petite fille intérieure qui, quand elle est connectée aux enfants, elle s'éclate. Donc en fait, quand je travaille avec les enfants, je suis vraiment là pour être une partenaire, une accompagnatrice, et je suis pas une adulte supérieure et vraiment. Pas du tout. Non, voilà. C'est bien. Et je travaille qu'avec des enfants qui ont envie, parce que s'ils ont pas envie, on n'obtiendra rien. Mmh. Et en acceptant le fait que l'enfant n'ait pas envie, et en discutant avec lui, en le prenant en considération, la plupart du temps, il revient de lui-même travailler. Mmh. Voilà. Donc, et donc je travaille sur. Faut quand même être calme, posé. C'est pas un mec comme moi qui pourrait faire ça, par exemple. Non. Non, moi c'est pas possible. Faut beaucoup de douceur et beaucoup de patience. Toi, c'est TDAH, toi. C'est quoi TDAH? TDAH, c'est. T'es trop speed. Trouble de l'attention avec hyperactivité. Moi, j'ai un trouble psychiatrique. Mais attention, ce que je veux dire. Je vais arriver, il y a l'ambulance qui m'attend dehors. C'est pour ça quand que j'arrive. Quand on dit 10, et quand on dit 10, et quand on dit 10. Non, 10, ça veut pas dire qu'on est 10 dans ma tête, hein. Non, tout seul, hein. Non plus. Ça dépend des jours. Ouais, ça dépend des fois, on est plusieurs. Il y a plusieurs ampoules chez moi à changer. Mais souvent, quand on est, ouais, on a des difficultés, quand on est différent, ouais, on est moins bien. En fait, ça répond à dans la tête et dans l'éthique des gens à un problème. Ce qui fait que moi j'ai un problème. Alors c'est ça. Bon, je vais en parler. J'ai un canapé. Je vais m'asseoir dans le canapé de la radio. Mais non, mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est que Stéphanie, c'est le doc de la radio. En fait, on va la prendre le matin. Mais écoute, en tout j'aurais cas, plein de choses à dire. Hein, je pense que le sujet est vraiment très vaste et je pense qu'elle elle est super parce qu'elle est vraiment très douce même d'abord. Enfin moi qui la vois en visuel et tout, elle parle bien. Hein. Elle est d'une douceur absolue et je pense qu'effectivement au niveau contact avec tous ces enfants en difficulté, je pense qu'elle est en place quoi. Il y a rien à dire. Mm. Quelle patience avec les enfants. Moi je suis honnête, hein, je suis pas patient, je pourrais pas patienter avec des enfants. Mais oui. Je suis honnête, mais... Non mais je pourrais pas, tu vois. À un moment ça va me saouler. Non mais je suis honnête, hein, moi je dis les choses. Hein. Donc ce que je veux te dire quand même, Francky, c'est que la plupart du temps, les enfants, ils finissent par être étiquetés par leur difficulté. Et ils se mettent à part en général. Et ils finissent par n'avoir l'impression d'être représentés que par ça. Donc ils perdent de la confiance en soi, ils perdent de l'estime de soi et ils se définissent comme ça. Sauf que ce que je veux leur apprendre, c'est à savoir qui ils sont. Parce qu'on dit d'eux, mais eux, qui ils pensent qu'ils sont, comment ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'ils puissent retrouver de l'estime et de la confiance en eux. Et puis dire que voilà, ils sont différents, mais ils sont pas que ça. Ils ont plein de. Souvent, ils ont plein de qualités. Ils ont plein de petites pépites cachées. Voilà. Et du coup, comme on parle que de leurs 10 ou de leurs difficultés, eh bien tout est caché. Et donc mon travail permet de dédramatiser, de banaliser ça. de dire ok, bah t'as ça, tu fonctionnes comme ça, de quoi tu as besoin quand tu as ce problème là en plus il faut savoir que tu es comme ça et tu seras comme ça toute ta vie, la société va... il a pas le choix, le gamin. Et non, et la société va pas s'adapter forcément toujours à toi, et, ouais, et donc c'est à toi de trouver tes outils. Oui, malheureusement, et j'en fais partie parce que je suis une personne différente, je l'ai découvert sur le tard. Aujourd'hui il y a beaucoup d'adultes qui découvrent qu'ils sont surdoués ou qu'ils sont etc. Bienvenue au club. Comme la société a fait que comme je suis différente, j'ai aussi été diagnostiquée par la NDPH et je suis reconnue handicapée, même si ça ne se voit pas. Ah, ça se voit pas. Eh ben non. Tu sais qu'il y a beaucoup de handicaps invisibles. Invisibles. Et qui font souffrir. Et qui font souffrir énormément. Ouais. Et donc c'est important qu'il y ait ce travail avec la MDPH et cette reconnaissance derrière quand même, même si le parcours est long, il est nécessaire. Et malheureusement aujourd'hui, handicapés dans les mentalités restent encore un peu gogol ou inférieur. Or c'est complètement erroné et obsolète. Et la société n'inclut pas toujours les personnes handicapées. Mmh. Et du coup, j'ai voulu faire de ma difficulté une force. Et ce que je veux apprendre aux enfants, c'est ça, c'est que tu es en difficulté sur ça, mais ta difficulté va faire que tu vas créer des choses à côté qui vont t'aider et qui vont être formidables. Et c'est pas parce qu'on a difficulté à l'école que on peut pas réussir dans la vie. C'est ce que je disais avec toi tout à l'heure avant de passer à l'antenne. Non, tu m'as pas dit ça. Par rapport à tes études. Ouais. Et finalement, tu as fait de ta passion ton métier. C'est ça. Donc, voilà. C'est un petit peu un orfèvre, en fait. C'est-à-dire qu'elle va partir d'une pierre brute, très brute, et elle va, un diamant brut, et oui, elle va sortir les petites pépites. Voilà, elle va dégager ce qu'il y a de meilleur, et au final, on peut tout à fait, en grandissant et en vieillissant, assumer ces différences et en faire une force. Mais il y a un travail en amont et il faut être accompagné, je pense, dans l'enfance, parce que c'est là où tout se joue. Ouais, c'est ça la base. Hein, c'est ça. C'est important. Cet accompagnement, il est important. Ouais, mon travail consiste à renforcer et solidifier les bases justement du petit homme ou du petit humain qui vont devenir. Et quand l'enfant se trouve entendu, compris, il est rassuré, et qu'on lui trouve, parce que mon travail c'est de trouver des astuces, des trucs et des astuces qui va permettre à son cerveau de comprendre et d'y arriver, du coup c'est génial parce qu'il se rend compte qu'il est capable de faire et qu'il y arrive et qu'il est pas nul. Et c'est ça en fait, toute les neurosciences sont formidables aujourd'hui, c'est qu'on arrive à comprendre que le cerveau d'un enfant, par exemple, qui est dyslexique ou qui est dyscalculique ou dyspraxique, a besoin d'un chemin particulier pour comprendre l'information afin de réussir la tâche qu'on lui demande. Ouais, ouais. Et si, à l'école, on ne prend pas ce chemin, l'enfant n'y arrive pas. Et du coup, il peut croire qu'il est nul, alors qu'en fait, c'est pas qu'il est nul, c'est que son cerveau n'a pas cette capacité de comprendre ce qu'on lui dit. Et alors, quand il comprend, et quand c'est des astuces, parce que moi, j'aime bien simplifier et trouver. Et s'il fait cette astuce, qu'il se l'approprie, il aura toujours juste, c'est génial. Ouais, après j'ai un œil un peu critique sur le système. T'en as deux des yeux. Ouais, mais j'en ai un qui est plus critique que l'autre. Ah ouais. Et sur le système scolaire, parce que moi je sais que quand j'étais petite à l'école, on avait plein de dans la méthode avec laquelle on apprenait, on avait plein de petits trucs et astuces justement pour retenir voilà, il y avait plein de petites choses. Et maintenant, avec la nouvelle méthode globale, c'est ça. Je sais plus comment elle s'appelle parce que pour l'apprentissage, etc. Je trouve que j'ai l'impression que les gosses, ils apprennent moins bien que nous on apprenait c'est à l'époque. Ah ouais, c'est donc, je suis pas pour la méthode globale. Je suis plutôt pour la méthode syllabique. Et c'est quoi, t'as dit? Syllabique. Ah, j'ai compris autre chose. Syllabe par syllabe. Ah oui, non, j'avais compris autre chose. Pose pas la question. Oui, pardon. On est Ouais, on a l'antenne, attention. Non, mais j'avais compris autre chose. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une évolution, et j'ai l'impression que du coup ça met en lumière davantage ces enfants-là, parce que ça crée des difficultés là où peut-être certains n'auraient pas eu à l'époque, ils en ont davantage maintenant. Et le fait d'avoir comme support les neurosciences, c'est formidable, parce que moi je vais expliquer à l'enfant comment fonctionne son cerveau, je différencie ce qu'il est lui de son cerveau, parce que comme ça le déculpabilise de pas être ça. Et puis surtout, je travaille dans l'accompagnement avec les familles, en disant, bah voilà, votre enfant, il fonctionne comme ça. Mais justement, la relation famille est compliquée ou pas après? Parce qu'il faut qu'il y ait un suivi peut-être avec la famille par la suite. Alors, quand c'est un travail d'équipe. Quand t'es parti après. Voilà, c'est ça, c'est un travail d'équipe. Moi, j'arrive, j'amène mes trucs et astuces, mes petites techniques. Mmh. J'explique comment fonctionne l'enfant, j'explique comment le parent doit comprendre son enfant. Et derrière, c'est la famille qui a le rôle de répétition. On apprend tous en répétant les choses. Ouais. Moi, je peux pas faire ce rôle-là. Je viens une fois de temps en temps, enfin régulièrement quand même. Et après, tu vois l'évolution au fur et à mesure que tu reviens, ça évolue. Ouais. Oui, heureusement, je le vois, d'ailleurs. Je le vois, mais surtout, c'est les enseignants à l'école qui le voient, ou des psychologues qui ont des enfants pris en charge et qui disent aux parents, mais attendez, ils voient quelqu'un d'autre. Alors la maman dit, oui, mais pourquoi? Bah parce que je vois très bien qu'il a changé d'attitude, voilà. Il n'est pas comme d'habitude. Il est mieux. Alors, oui, mais la maman avait peur parce que la psychologue le disait d'un ton assez énervé. Et la maman dit, mais c'est bien ou... Enfin, il a changé en... comment? Elle dit, bah oui, je vois qu'il est plus posé, il est plus calme. Alors elle dit, bah oui, on voit quelqu'un, donc elle lui parle de moi. Et elle lui dit, bon, bah donc vous n'avez plus besoin de moi maintenant qu'il va mieux. Elle est un peu jalouse, la psychologue. Non, mais c'était incroyable, en fait. Les psychologues, ils font des années d'études, quand même. Après, il y a un partenariat qui est malgré tout nécessaire, comme on parlait tout à l'heure avec les orthophonistes, parce que c'est important. Il faut aussi savoir accompagner les enfants. Et je pense que ton rôle à toi, c'est de savoir aussi peut-être aider les parents à orienter vers quel thérapeute. C'est pour ça que l'avantage, et c'est ce que je dis et je précise, c'est que je peux commencer à travailler avec des enfants avant même qu'ils soient diagnostiqués. Et en plus, j'ai la faculté de pouvoir dire, en fonction de ce que je vais voir avec l'enfant, attention, j'ai l'impression qu'il y a une petite dyspraxie. Tu peux faire un pré-diagnostic. Voilà, j'oriente, je conseille la famille, j'oriente, et quand ils vont voir le spécialiste et que le diagnostic est posé, il a bien la dyspraxie. T'aurais pu être médecin, toi? Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est un genre de docteur de l'âme, tu sais. C'est le doc, hein. Il y a un petit côté docteur de l'âme, hein. Moi, je vois les choses comme ça, et c'est bien. En tout cas, c'est bien ce qu'elle fait, franchement. Elle m'impressionne, mais en plus, elle est vraiment pleine de douceur. Ça, c'est une fille, t'as envie de lui parler, je la vois ta vie tout pendant à fait, deux heures. Je la vois tout à fait, je pense qu'elle est en place, vraiment. C'est quelqu'un qui a trouvé son élément. Oui, tout à fait. Par contre, merci, je suis très touchée. Tu prends un chèque. Par contre, ce qu'ils m'ont dit, c'est que je fais un petit peu du compte-gouttes, et c'est vrai que c'est pas facile pour les familles qui sont découragées de pas savoir quoi faire avec leur enfant en attendant d'avoir tous ces diagnostics. Je voudrais qu'ils sachent que il y a des possibilités, qu'on peut agir avant, pendant, et moi c'est de les mettre sur les rails. Excuse-moi, je pense qu'il y a aussi des parents qui se posent des questions sans forcément aller chercher les réponses, et je pense que tu peux déjà intervenir et les aider, eux, à faire ce cheminement, parce que des fois on a des enfants difficiles, on comprend pas le problème, et puis il y a des parents qui sont pas aussi qui ne connaissent pas ces pathologies, et qui du coup ne savent pas les repérer, ne savent pas, donc peut-être que même ceux qui ne savent pas mais qui ont un doute, juste un tout petit doute, et je pense que ces personnes-là peuvent faire appel à toi. Tout à fait. Pour que tu les aides justement à aller vers un diagnostic ou pas, à définir s'il y a difficulté réelle ou pas. Et en plus, j'ai des partenariats avec des kinésiologues, avec des... Ah oui, des gens sérieux, quoi. Je suis quelqu'un de sérieux. Non, mais j'en doute pas. Avec des une kinésiologue, une graphothérapeute, des orthophonistes. Et donc, quand j'ai un doute, je peux... ergothérapeute aussi. Quand j'ai un doute, je peux contacter ces personnes et dire, écoute, voilà, j'ai un doute, je peux te l'envoyer. Ouais. Donc, c'est un travail vraiment pluridisciplinaire qui est très important. Il y a toujours une solution. Hein. Oui, toujours une solution. Et franchement, j'ai vraiment... En tout cas, ce matin, on en apprend beaucoup, Stéphanie. Hein, t'as vu? T'as vu un peu. C'est l'autre côté de la radio, justement. Votre enfant est peut-être en difficulté. Ça peut arriver, malheureusement. Mmh. Aujourd'hui, contactez-nous, la radio. Et puis, on donnera des coordonnées. Avec grand plaisir. Hein. Et puis, si les services d'éducation des mairies peuvent entendre, moi, je serais ravie d'intervenir dans les écoles. Moi, je dis, il faut que tu y ailles. Hein. en proposant des ateliers de 5 personnes, voilà, comme moi j'ai été animatrice coup de pouce, j'ai été aussi auxiliaire vie scolaire qui maintenant s'appelle AESH, donc je suis parfaitement au fait de tout ce qui peut se passer dans les écoles et j'ai vraiment très à cœur de pouvoir rentrer et apporter mon savoir, mes compétences et surtout toucher un peu plus d'enfants. Et ben en tout cas tes compétences elles sont là ce matin, bravo Sandy. Merci, bravo Frankie. Pour ce merci job. On en a appris plus ce matin. Moi je suis tombé de haut là, j'apprends des choses hein, des fois à la radio. J'ai appris que t'avais des troubles. J'ai appris que je vais la consulter bientôt. Hein. Mais non, mais toi, t'en as fait une force en fait. C'est, ouais. T'as fait la radio, t'as fait DJ. Ouais. Je fais tout. C'est ça. Mais les différences et les défauts sont des atouts puisque c'est ce qui va nous différencier des autres et donc nos particularités sont toutes très charmantes en vérité. Merci Stéphanie. Merci Sandy. Ouais, merci à toi. Et Stéphanie, Kiss, on y reva dans 10 minutes là, on y retourne. Ouais, on y reva. T'as vu, moi, il n'a pas parlé français. Hein. Sinon, t'as plein d'autres chansons. T'as vu, tu peux prendre Carlos. Ouais, big bisou. Prendre... Hein, on va se faire un big bisou. Non, hop. Autre chose, on va trouver. On va trouver ça, t'inquiète pas. Stéphanie Bier qui revient avec sa chronique dans moins de 10 minutes. La météo aussi, le ciel est chargé au lit, on vous en parle juste après. Badoxa. Merci Sandy, ça m'a fait plaisir. Merci, à bientôt. Teu jeito de agarrar, tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vem. Não tem nada. Toque em mim, me aperta, me amassa. Mas não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado da minha cuia. Não dá mesmo para parar. Cata dá mesmo pra controlar. Controlar, eu é controlar. Controlar, eu é controlar. Cata dá mesmo pra controlar. Falar a sério, encosta no canto, chega mais perto, agarra desse jeito, meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito, pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vem. Não tem nada, me agarra, toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado pra me cuidar. Não dá mesmo para parar. Cata dá mesmo pra controlar. Controlar, eu é controlar. Controlar, eu é controlar. Cata dá mesmo pra controlar. Controlar, controlar. Massa, mas não dá toa gostar. Não consigo. J'adore ça. Tu connais ça, Stéphanie? Ouais, excuse-nous, on était encore en train de parler. Non, mais je vous laisse papoter les meufs. Hein. C'est ça les gonzesses, hein. Ça discute. Non, c'est que c'est le sujet est vaste du métier de Sandy et de l'accompagnement et de tout ça. Ouais, il y a Cyril, il m'a dit c'est super intéressant le sujet. Voilà, tu vois, t'as des retours déjà, ma petite Sandy. Oui. Ouais, quel beau sujet. Ça touche beaucoup plus de personnes qu'on croit et aujourd'hui, les enfants qui sont dits 10 ou différents, c'est des enfants. enfants qui sont, je dirais, normaux parce qu'ils prennent beaucoup de place aujourd'hui. Ils sont très nombreux. C'est vrai. Le baiser. Bon, on va en parler dans moins de 5 minutes avec Stéphanie Bier. C'est la journée, c'est quoi? Mondiale, internationale, c'est quoi? C'est la journée mondiale du baiser. Beaucoup mieux que la Saint-Valentin, moins onéreux. Et en plus, on peut partager avec les amis, avec la famille. On partage des bisous, rouler des pelles aujourd'hui. Allez. 7h-9h. Attention, quand c'est trop baveux, des fois, ça dégoûte un peu. Eh bien, le baiser, on va en parler juste après. Enrique Iglesias, si tu veux bien, ma Steph. Ah, c'est la journée, puis on a, t'as plein d'idées là-dessus, hein. Ouais. Des baisers Spider-Man, apparemment, hein. Ouais. Et ben, on en parle dans moins de 3 minutes avec Enrique qui arrive. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando. Voy de que siento tu cuerpo me siento subiendo y bajando. Y tu boca con la mía, ya no puedo más. No me aguanto más. Ya no puedo más. No me aguanto más. Es tu melodía, es mi fantasía. Cuando es filosofía, tu mente está vacía. No me aguanto más. No me aguanto más. No me aguanto más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ay, gastar tu voz. Et il y a une fille qui m'a dit, il y a Tarkan aussi pour le bisou. C'est vrai, le chanteur turc, tu sais. Ah, mais il y en a plein. Hein. Tu tapes chanson sur les bisous ou sur les baisers, tu vas voir la quantité que tu as. Bon, ah, bah, il y en a un. T'as Philippe Catherine aussi, des bisous, ah ouais, des bisous. Et ben justement, on en parle avec toi, bouge pas, Stéphanie. 7h, 9h, le matin c'est bien, et c'est Francky. Et c'est Francky dans la radio avec Stéphanie aujourd'hui, puis Sandy qui était notre invité, on a su plein de choses sur les enfants. Faudra la réinviter parce qu'elle a encore plein de choses à dire en fait. Ouais, donc, bah attends, on va. Faudra refaire une petite session à l'automne, je pense. Ouais, quand tu veux, moi, quand tu veux, elle vient. On parlait justement, on rigolait en antenne ensemble parce qu'on parlait des câlins justement avec les arbres. Oui. Je déconnais, moi, tout à l'heure. Mais non, mais ça, on en a parlé très sérieusement. J'ai fait une chronique là-dessus, la sylviothérapie, ouais, évidemment. Vrai, les câlins, il faut les faire, mais pas à n'importe quelle période de l'année, il faut le faire au printemps. Moment c'est où la sève elle monte. Ah oui, bah il n'y a pas que la sève. C'est le moment où il y a des. Et il faut faire attention parce qu'il y a des arbres qui n'ont pas envie d'être câlinés et il y en a d'autres qui ont des choses à vous donner. Ils vous mettent à coup de feuille. Mais c'est les énergies telluriques, tu sais, les choses qui viennent de la terre, c'est important. Ouais, c'est super. Ouais, mais c'est pas grave si je suis perché, moi je le vis très très bien. Ok, ma soeur. En tout cas, aujourd'hui c'est. Mais c'est vrai, Francky. J'écoute tout. Va te ressourcer à la nature. Ouais, je vais aller choper un arbre. Un petit lâcher prise, c'était tellement bien. Tiens, voilà, lâchez. Et on parle de bisous. Ça manque de poésie avec toi. Ah, bah moi j'adore. Des moi, fois, hein, ami de la poésie, bonsoir. Bonjour plutôt. Stéphanie Bier, le baiser aujourd'hui. Le baiser, le bisou, les bisous, c'est la journée mondiale du bisou, on a trop de la chance. Ah. Moi je dis au diable la Saint-Valentin, mais par contre vive la journée mondiale du bisou le 6 juillet. Le 6 juillet, c'est quand même... Je te coupe, mais c'est quand même dommage qu'il faille une journée du bisou comme il faille une journée des câlins. Moi, je prône les câlins. Non, mais on fait une journée, c'est en fait, ces journées servent à souligner l'importance. Ouais. C'est comme la journée de la terre, la journée de la mer ou la journée de la... Comment on dit. Stéphanie, elle me fait penser à l'époque à Maître Capello, je pense, elle a connu dans les années 80. Wikipédia, merci, bonjour. C'est dommage qu'il faille... Bon, t'as raison, mais c'est dommage qu'il faille le rappeler, parce que c'est vrai que la mer, les câlins... Hein. Les non, mais c'est après, c'est un petit côté ludique, oui. Et puis ça permet d'aborder des petits sujet comme ça et de dire que bah les bisous il faut s'en faire toute l'année bien évidemment, surtout que là on en a pas eu pendant tellement longtemps. Tu m'étonnes. Donc oubliez pas d'être à jour sur vos tests PCR avant de jouer avec mes petits bisous. Bien sûr. Du style le Spider-Man Kiss. Celui-là faudrait que tu le tentes quand même. Je vais le tenter celui-là. Mais si tu le tentes, tu nous fais une vidéo, s'il te plaît. Par contre, je vais être honnête avec toi, si je le tente, je mets le costume moi. Tout l'intérêt est d'avoir le costume de Spider-Man, évidemment. Si je me casse la gueule. Et puis ça se trouve, tu pourras peut-être pécho Catwoman, on sait jamais. Attends, préparez-vous ce soir, je vais aller pêcher une Catwoman dans les quelque part Orléans. Donc le petit bisou Spider-Man, et c'est celui qu'on fait à l'envers. Donc pour les plus balèzes, ils peuvent se pendre au plafond et leur chéri se tient debout et le partenaire qui veut se mettre à l'envers, il s'attache au plafond, sinon ça marche aussi sur un canapé. Évidemment, ça marche dans un il suffit de faire un petit bisou à l'envers et celui-là, il est assez ludique et assez marrant. Après, il y en a un qui est on a parlé le single lips kiss. Ah. C'est quoi? Alors, c'est celui. Faut traduire en lip single. Alors, c'est une seule lèvre, le bisou d'une seule lèvre. Mmh. C'est-à-dire que, en général, c'est par exemple le fait de susauter, de caresser avec la langue, la lèvre inférieure ou supérieure, comme on peut le faire avec un lobe d'oreille, par exemple. C'est sexuel le matin. Ah ouais, je vous chauffe un peu aujourd'hui. Excité, là. Il fait un temps tout gris, tout moche. Ouais. Alors ça va vous réchauffer un petit peu les cœurs. Et puis c'est plutôt c'est fait pour ça. Il y a évidemment le French kiss, le baiser à la française, celui-là c'est le plus connu au monde parce que nous les Français on n'a pas peur, on met la langue et ça se fait pas comme ça dans tous les pays, faut pas croire. Ah bon? Ah non, ah, non, pas, non. Moi. Ah c'est pour ça qu'aux États-Unis on appelle ça le French kiss, c'est le baiser à la française parce que mettre la langue c'est un truc très français. Déjà quand des amoureux s'embrassent sur la bouche, les enfants ils font berk avec la langue. Puis bon, faites gaffe maintenant avec le Covid, il faut faire le test d'abord, le truc dans le nez d'abord, avant de mettre la langue. Le coton-tige. Il y a celui-là, il y a aussi, il y en a un dont je vous ai pas parlé, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le petit bisou de l'ange. C'est celui qu'on fait. Si j'en ai pas parlé tout à l'heure. Ouais. Le baiser de l'ange, c'est celui qu'on fait sur les paupières ou à côté de l'œil, qu'on ferait comme un enfant avant de faire un dodo, un petit bisou sur l'œil. Ouais, c'est mignon. Ça. C'est un petit bisou comme celui sur le front. C'est un petit bisou qui est rassurant, qui est réconfortant, qui est vraiment plein de bienveillance. Et c'est un petit. Après, il y en a. Il s'appelle le baiser du lézard. Celui-là, il est. Le baiser c'est du lézard. On en a pas parlé tout à l'heure non plus. Ouais. Celui-là, il est particulier. Hein. C'est celui qui débarbouille quoi. Tu vois, c'est le baiser du lézard. Il a un côté débarbouillage. Ah ouais, donc carrément. C'est particulier. Ouais. Perso, je crois pas que moi, c'est pas mon truc. Moi, j'imagine le baiser quoi. Moi, j'aime bien le petit bisou, celui qu'on appelle au pays des merveilles. C'est celui où on est très très près l'un de l'autre là et qu'on peut papillonner des cils et presque se caresser avec les cils. Et ça, c'est très mignon et faut c'est très. Avoir des cils, il y en a qui ont pas de cils. S'il y en a un sur les deux déjà, il y en a un qui peut chatouiller. C'est déjà ça. Et puis il faut avoir une belle haleine quand même. Ah oui, mais ça on l'a dit tout à l'heure. Ou alors une haleine assortie. Je veux dire, si on a bouffé des escargots, il faut être deux à avoir mangé. Il faut avoir la même haleine. Voilà, il y en a qui mangent des escargots, l'autre de l'ail. Comme exactement. Ça au moins ça fait une mixture sympathique le matin pour s'embrasser. Ça peut être sympa ou un petit minster et l'autre qui sent le petit coup de blanc qui va avec. Voilà, c'est particulier. Ça c'est le baiser du pochetron. Non, pourquoi? Parce que le petit coup de blanc quand même. Le petit coup de blanc avec le minster. C'est plutôt un petit côté épicurien. On accompagne ce qu'on mange d'un bon vin sans pour autant en abuser, puisqu'il faut en boire avec modération. Tout le monde le sait. Bon petit déj, que ceux qui sont à la cafette là en ce moment là. S'il y en a qui sont des tartines de minster dans le café, ceci dit. Ah ouais, c'est dans le nord ça. Pourquoi pas. Ouais. Donc surtout pour célébrer cette journée mondiale du baiser, n'oubliez pas votre test PCR. Ouais, avant pour casser l'ambiance un bon coup. Attends, je vais faire un coton-tige dans le nez et après je te je te roule une pelle. Je te roule une pelle. Allô chérie, je reviens, je vais me faire un truc dans le nez, après je te roule une pelle, si jamais tout va bien. Ouais, donc du coup, je crois qu'on a calé une petite chanson. Ouais, baiser. Donc, le baiser. Le baiser d'Alain Souchon. Oh, voilà, ouais. une petite balade tranquille. Ouais, une belle en mode balade. Merci Stéphanie. Avec plaisir. Écoute, je des bisous dans l'air. Je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de ma Louvre d'une, la mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts. Des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde, j'ai des lacunes. En blonde, j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers. Tournez le ciel et tournez la terre. Tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Dun, dun, dun, dun, dun. Sur ma langue, ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ, pour ce moment délicieux hasard, Adamo M. Sissola, en tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyé mélancolique, ses flonflons à la française, de fancifère à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à languille, sur la digue un petit point parti, dans l'audit de son mari. Cherche un baiser, justement. Bah, je chante un baiser. Un baiser. Non, mais il cherche un baiser. Bah, il s'est pas trompé de moi. Il y a deux meufs en face de moi, j'ai quand même pêché un baiser, non? C'est ce que nous dit Anaïs, à qui tu vas faire un baiser. Voilà, il y a Nora qui est là aussi. Salut Nora. Un baiser masqué alors. Ouais, un baiser masqué. Celui-là rajouté sur la liste, le baiser masqué. Déguisé en je sais pas quoi. Masqué, voilà. C'est vrai qu'on pourrait le rajouter en mode Covid. Là, bah écoute, celui-là, il manquait à la liste. Voilà. Justement, c'est quoi votre baiser préféré aujourd'hui? Bah, vous pouvez nous contacter 02 38 43 48 00. Et aujourd'hui, c'est la fin de l'école, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ça, c'est le dernier jour. Tout à fait. C'est vrai? Et à ce propos, ouais, un petit message de Sandy. Mais oui, Sandy. Ouais, Sandy. Pour les parents qui sont inquiets pour leur faire faire les cahiers de vacances ou s'ils ont besoin de consolider les bases ou de rattraper un retard, mais n'hésitez pas, je suis là et je peux vous aider. Et ben, vraiment. Bah, appelez-nous. Je peux vous soulager. Ouais, 02 38 43 48 00. Un message de Stéphanie. Je vois qu'elle vient de choper une carte, c'est pour ça. Oui, et ben on va c'est Sandy Vendée, donc ouais. Et je l'ai bien prononcé, très bien. Voilà. Et t'es belge une fois là, non? Pardon? T'es pas belge? Non. Non, je croyais que t'étais belge. Son numéro de téléphone à elle, ouais, parce que si on a besoin d'elle, c'est important de le donner, c'est le 06 75 74 68 ouais. 69. Ouais. Et il y a une adresse mail aussi. 69, donc... ça c'est bien. Attends, je note, je note en même temps, moi, c'est pour ça. J'écris en même temps le numéro. C'est pour faire le baiser Spider-Man. Non, je vais le baiser à l'envers, tu sais. Baiser à l'envers, c'est ça. Baiser texto, je vais faire. Il y a une petite adresse mail aussi qui est donc Sandy avec un Y, Vendée, donc V-E-N-D-E-T. @orange.fr. Voilà, vous pouvez la joindre en cas de difficulté ou en juste avec une un petit besoin d'un petit conseil. Je pense qu'elle saura parfaitement vous orienter. Eh ben merci, voilà, Stéphanie. Sur ces belles paroles, un titre à l'ancienne que tu vas adorer, je suis sûr, Stéphanie. Ah ouais, Karine, avec Dash Bond. Oh, mais formidable. Eh, c'est bon ça le matin, on vous réveille. Un petit coup de Jeanne. Allez, en voiture Marcel. Une petite dose. Je sais, allez, on monte dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Dis-moi. Tu me plais. Ah ouais, vas-y, on va te chercher. Moi, où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Dans mon taxi système, boomin' une caisse clean, check ma routine, rouler en rime. Et ça, ici là, elle assise là, mets-moi dans les Mia, défends les Karine quoi, qu'est-ce qu'il y a. J'pourrais tourner en ville, des heures pour elle, volant de ma Benz, Merco flambé, mais elle se fout tout ça, qui que ce soit, elle aime pas ça. Vas-y, ouvre la porte, monte, dis-moi où on va. Nulle part, si tu continues à flamber ainsi. Minute, j'dis un truc que t'as peut-être mal saisi, j'ai pas d'ici. Non. Tu sais, chez toi, j'sais pas comment c'est, mais ici on est plein de magnétiques. Comment je fais? Tu veux que je lève mes lunettes, que je mette plus le coude dehors, que j'arrête de râler et pousse le son moins fort si je fais l'effort. J'ai pas de garantie pour autant. En volant à fond de cinquième, je suis dans mon cinquième élément. Tu me plais. Je sais, mais allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Dis-moi. Tu me plais. Ah ouais, mais vas-y, monte pas de chichi. Dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. C'est vrai que l'aventure est si belle. C'est vrai. Se balader dans la rue, dans ta voiture, bébé, me donne des ailes. Mais tu sais, je sais, ton délire causera tôt ou tard des torts. Et il me faudra partir. Bébé, quand tu roules, les mécaniques, ton moteur me saoule. Si je dois supporter tes manières, te payer trop cher. Tiens, peu de temps, grimpe, allez, ah. Si tu te la pètes trop, je préfère le métro. Tu me plais. Je sais, mais allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Dis-moi. Tu me plais. Ah ouais, mais vas-y, mon pâte, chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Tu me plais. T'exagères. Moi j'adore Karine avec le Dash Bond. Quel souvenir Stéphanie, ça te rappelle la jeunesse. Alors moi c'est il m'en reste encore un peu au fond du cœur en vérité. Moi j'ai une vraie anecdote hein. Le Def, comme on l'appelle, Dash Bond, le chanteur, je l'ai rencontré à Marseille plusieurs fois parce que c'est le DJ de IAM aussi, il mixe avec eux et c'est un super bonhomme. Ouais. Ah moi par contre je suis dans le groupe des fans d'IAM et tout, moi je suis à fond IAM. T'es à fond. Moi le rap c'est à l'ancienne hein, parce que maintenant trucs l'autotune et tout ça, mon dieu. Non, puis j'aime l'écriture, j'aime quand c'est bien écrit quand même, et que ça veut dire quelque chose. On parlait de sylvothérapie. Sylvothérapie. Ouais, il y a Marie-Hélène justement qui dit mort de rire Stéphanie, la sylvothérapie, c'est ce qu'elle dit. Oui. Là, je pars en forêt avec le boulot. Eh ben, bonne blague. Elle est rigolote. Elle est rigolote. Merci pour cette petite blague. Marie-Hélène. Mais les boulots en général ont des tout petits troncs et moi je conseille plutôt d'aller sur un vieux chêne, un vieil orme aussi. Les chênes sont remplis de. Remplis de sève. Ouais, aussi. Ouais. C'est ça. Y a beaucoup de sève qui vont couler. T'as du bol ce matin, t'as deux perchés pour le prix d'une. Donc, tu vas à Morchène, là, à Saint-Cyr-en-Val, Morchène, le parc de Morchène, il est rempli de. Non, mais là, je vais me réveiller, je vais dire, je vais aller voir des potes, parce que là. Et puis, après tout ça, faut jamais oublier de remercier l'univers aussi, parce que c'est très important. Et pour remercier l'univers, il faut lever les bras et la tête vers le ciel. Merci l'univers pour tous ces bienfaits. Voilà. C'est quoi, c'est le 115 qu'il faut appeler, là? Non, mais tu vois, je sais plus quel numéro il faut appeler. Moi, j'assume. Ouais, bah, assume. J'assume ma folie complètement. Ok, ma sœur, après, on va aller traire des vaches. Des chèvres, pardon, pour faire du lait, parce que j'ai envie de manger du fromage de chèvre à midi. dans le Larzac. Dans le Larzac, je veux bien. Que du bon sens ce matin avant 9h, et puis là, forcément, ça va te plaire aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment, si je dis ça. George Benson, mais on peut pas avoir plus classique et plus merveilleux que ça le matin. George Benson à l'ancienne, et puis dans moins de 15 minutes, on va se dire au revoir, hein, les filles, si vous voulez bien. Bah ouais, il faut se barrer, hein, Jean-Pierre, il est pas là aujourd'hui. Ah non, il est en vacances. C'est pour ça qu'on va déborder, hein, chouille. On déborde, hein, excusez-nous, Portugal. Voici George Benson. Give me the night. Are you ready? Yeah. George Benson. Donne-moi de la nuit, ça veut dire. C'est ça, hein? Ouais, exactement. Je sais pas pourquoi ils chantaient ça à l'époque, hein. Donne-moi de la nuit. Je sais pas. Ça, c'est dans les booms, ça, hein. On dansait devant la glace. Casse-dalle. Oh là, la source, pour ceux qui ont connu. Nous, on dansait devant les glaces. Enfin, il n'y avait pas de glace à l'époque. Il n'y avait pas de glace. Il n'y avait pas de glace, c'est vrai. Les glaces, c'était au Georges. Ouais, au Georges. Il y avait des bastons, hein, par contre. Hein. À Casal, moi, jamais, franchement. Un petit peu, des fois, on se bastonnait un peu. Hein. Oh non, moi, j'ai pas connu. Écoute, j'ai eu de la chance. Ouais, ouais. J'étais avec des calmes. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, je suis triste en France parce qu'il y a 40 flunchs qui vont fermer. Là. Je viens de voir ça, là. Ouais, donc on pourra plus fluncher tranquille dans certaines villes. C'est dommage. Hein. Moi j'aimais bien avec mon gâteau d'anniversaire avoir le flunchy qui arrivait avec la bougie. C'était gratuit. Alors moi ce qui me fait rire à flunch quand même, c'est quand c'était gratuit, c'était à volonté je crois. T'as les mecs qui prenaient des frites, des pâtes, des flageolets, une assiette à mourir quoi. Hein. Non mais maintenant les anniversaires s'achevaient chez le vieux clown qui s'est passé en greenwashing au niveau des couleurs. Ouais, c'est ça. Il fallait pas dire son nom. Va des rétros. Satanas. C'est comme ça qu'on dit, hein. C'est une vraie expression, ça. Je sais pas quelle année c'est. C'est quelle année ça? De quoi? Va des rétro Satanas. Ouais, je pourrais la prochaine chronique, je te fais une recherche là-dessus. Vas-y, cherche nous ça pour la semaine prochaine ou cette semaine si t'es dispo, il y a pas de problème. Ça marche. Hein? Va des rétro Satanas, quelle origine tiens. Va des rétro Satanas, à 9h du matin. Moi ça me fait penser aux fous du volant, moi Satanas. Ouais, les fous du volant. Oh, quelle belle époque ça, Satanas. C'était un bon dessin animé ça. C'était un super dessin animé qu'on adore à la radio Arc-en-Ciel. Justement, on parlait de baiser avec toi et on parlait du baiser, c'est la journée mondiale du baiser et bien voici un groupe portugais qui s'appelle Larissa et c'est Baiser Salé sur Radio Arc-en-Ciel. Baiser Salé, celui-là on l'avait pas non plus. Alors tu vois. Là c'est quoi? On parle d'amour. C'est un mec qui s'est fait plaquer par sa copine malheureusement. Ça arrive. Bah il pleure. Donc les larmes, on sait que c'est salé. Ah donc il va se faire réconforter voilà. Et du coup elle va bouffer du baiser salé quoi. Voilà c'est ça. Ok. Larissa sur Radio Arc-en-Ciel. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Il fallait me couper plutôt que de se déchirer. Entends le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route cherchée. Tes yeux et réaliser que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Refermons le bouquin, nous deux, il était une fois. Envole-toi, allez vas-y. Y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe ici. Si c'est bien, t'es ma lady. Et tout ce que j'avais, même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je me sais bien t'es ma lady, pour préserver ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Violoncelle seule, déboussolée sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Des non-sensés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cet orage? Colère, haine et dépit réunis. Mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini? Pain, pain, pain. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Bang, bang, bang. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Je me sais bien, t'es ma lady. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je me sais bien, t'es ma lady. T'enterrerai ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. You're my lady. T'es ma lady. T'es ma lady sur ce baiser salé. Bah il va nous en parler justement, Lionel. Alors je sais pas si on dit Lionel en portugais. Lionel, ça va bien mon ami? Très bien. Ça fait plaisir d'écouter Francky depuis 7h du matin. Voilà. C'est bien chaud, c'est bien rythmé. Ouais. Aujourd'hui c'est le jour du bisou, c'est ça? C'est ça. C'était bien langoureux, on va dire. Bah justement j'invitais que des filles. Bon ça, je suis malin moi. T'as bien raison. Comme si tu le savais que c'était la journée du bisou. Hein. En tout cas, j'ai vu qu'on peut se mettre au plafond, tout ça. Ça, c'est le Spider-Man Kiss. Ouais. Ils ont retenu, hein. Ah, ça, celui-là, il va plaire. Tu vas pouvoir essayer avec ta femme ce soir, peut-être, Lionel, si tu veux bien, hein. En rentrant. Attention aux chutes quand même. Ouais, il faut faire attention. Lionel, t'arrives dans. Et j'ai plus 20 ans, hein. Ouais, moi non plus, hein. Moi, il n'y a pas d'âge. Oh, c'est mignon ce qu'a dit la Sandy. Elle est toujours à fond, dis donc. Tu arrives là pour ton émission. C'est rigolo, entre guillemets, parce que c'est la première fois qu'on se relaye. C'est vrai, hein, le matin. Ouais, tout à fait, ça fait plaisir. Me fait plaisir. Bah, moi, c'est vivant, c'est ça. Bah, voilà, c'est ça la radio, hein, la radio couleur tous les matins. On est heureux de vous retrouver. Et puis tout à l'heure, ça sera RDP International. Maintenant, t'es là jusqu'à midi, c'est ça, Lionel? Jusqu'à 12h, oui. Et avec une belle émission qui se prépare. spécial Portugal. C'est romantique. La musique romantique. Hein. Ah, bah ça va aller très bien avec le sujet du baiser aujourd'hui. Voilà. Hein, bah, ça reste raccord. Ça reste dans la suite. Impeccable. Impeccable pour l'ouverture des vacances. Voilà, ouverture de vacances. Excuse-nous, Yannan, on a un petit peu débordé. Non, J'attendais. Je dis, bon, il va arriver. Ben, il est arrivé, pile poil. Voilà. Impeccable. On vous laisse avec Nel. Hein, un petit coup de pub, comme on dit à la télé ou à la radio. Et puis, Yannan qui va prendre le romantisme du Portugal. Merci. Et merci pour ces deux heures de bonne émission. De bonne humeur. Voilà. On a appris plein de choses. Hein, c'est les apprentissages, tout ça. C'est bien super, pour les gamins c'est ça aussi. Et demain, j'aurai une avocate. Ça va changer d'ambiance. Ça va changer d'ambiance. Des bisous. Demain, vous allez prendre perpète. Hein. Non, on va en connaître plus sur le métier d'avocat. Bah, on connaît pas trop des fois les conseils. Elle nous donnera des bons conseils pour ce. Ça, c'est important. Ça, c'est très bien. Merci. Il y en a qui arrive dans quelques minutes. Et puis, avec du romantisme, tout de suite sur la France. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Pam, pam. Pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Le conseil d'administration de Radio Arc-en-Ciel tient tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux d'amélioration des locaux de la radio. C'est grâce à l'implication et au bon vouloir de chacun d'eux que la radio s'est rajeunie. Un grand merci à l'entreprise Emilio Diaz, électricité générale à Olivet, l'entreprise GR Service, Franck Roux, à Saran, l'entreprise DPI Sécurité, Patrick Denisot à Blois. S3P, Gérard Berthaud, Société Enduit et Pose Plaque Plâtre à Maraud-au-Pré. L'entreprise Baticasa 45, Patrick Intunch, Maçonnerie, Rénovation, Clôture à Orléans. Point P, Matériaux à Ingré. Carrelage Roger à Orléans. La Société Calinette Nettoyage, Manuel Villas-Boas à Ingré. Obra Genial, application de pavimento em Penafiel. L'entreprise Alberto Coelho, à Orne. L'entreprise Seattle, à Olivet. SARL, Aurelec, Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza, rénovation, peinture, Balza Thomas, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Graniné Neiva, industrie de granitos, Sinalia Neiva, ante as esposas. Um beijo. Um muito obrigada a todos. Um grande merci a todos.